voyant ton visage flotter avec mes désirs, tant j'ai de peur que mes soupirs ne lui fassent faire un naufrage. Cette aventure ne commet pas si librement à cet infidèle élément tous les trésors de la nature. Veux-tu par un doux privilège me mettre au-dessus des humains, fais-moi boire au creux de tes mains. Si